Ouais, Raskolnikov nous manque. Ouais, Raskolnikov va bientôt sortir un nouvel album. Ouais, Raskolnikov revient tout de suite. Et non, Raskolnikov ne revient pas avec Albert Roche, mais avec Stockholm 2. La seule chose dont je puisse vous parler sur ce nouveau Raskolnikov. Master Freak est déjà dans notre bibliothèque musicale, mais on ne peut pas vous l'envoyer pour le moment. Mais promis, dès que Mads nous donnera son feu vert, vous serez les premiers en France à écouter le nouveau Raskolnikov. Mais en attendant, allez, un petit Albert Roche. Il y a les Two Sisters, petit groupe français qui remplit nos oreilles depuis quelques semaines, notamment avec Wake Up. C'est français, c'est de la dynamique, c'est Two Sisters! Sinon, tout aussi dynamique que les Two Sisters, mais beaucoup plus grand breton, il y a les Virgin Marys qui, en 2023, ont assuré comme il faut la première partie des Sisters of Mercy. Virgin Marys arrive tout de suite avec Look at My Brother. Oh, oh, oh, oh. Look out for my brother, oh yeah. Look out for my sister, sister. I was born with 104.6, comme tous les lundis à partir de 17h, vous écoutez les post-punk de Pigeon Marys. Merci la bof. Ce soir, Pop & Rock fait dans le post-punk et dans cette veine, nos potes des Sleaford Mods reviennent sur le devant de la scène. Les copains de Amy Taylor sortent UK Grim, 14 titres toujours aussi Sleaford Mods. A surefire dart, cause we never aimed it in the box of isolation. Jason, why does the darkness alone? Cross section, it's not a drink, but no fucking smoke. Jason, why does the darkness alone? Cross section, it's not a drink. Mum can't reach, and then a pause. You look different, a large green blob. Allergic to your own things. Get married and go on safari. Fucking viral, fucking Batman video, you fucking moron. Why don't you phone up? Spine bend, leg sink, scooter club shit smell. It's my roadkill hat, don't touch it. Jason, why does the darkness alone? Cross-sectioned, it's It's not drink, and I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness alone? Cross-section, it's not drink. And I don't fucking smoke. Instinct is on, it's a meat to our bones. So hang on to the cable car, pulse 10 from Napa Rome. Freeze if you pulse, keep your gun around your neck. Force 10 from a contrary that still believes it's not dead. But it is, it's fucking dead. Oh, it's fucking dead. Jason, why does the darkness alone? Cross section, it's not drink. And I don't fucking smoke. Jason, why does the darkness alone? Cross section, it's not drink. And I don't fucking smoke. Hey, un barbu sautillant aux platines et un gars en Bermuda claquette, c'est le rock industriel post-punk des Sleaford Mods. There's a system and there's you running around, you split the person down. There's a system and there's two of you running around, you try to fight it down. Everybody and then you running around, you try to fight it down in the hate speed and the cure. Running around, you try to fight it down. There's no wisdom and no food. Running around, we're around the island now. And self-service and coffee too. Running around, we're around the island now. When the guards wait, look at you. Card or cash and press receipt if you want to. When the guards wait, look at you. Card or cash and press receipt if you want to. Waiting room of soul in the depths invisible to everybody running around in the hate speech, running around. There's a system running around. There's a system running around. Everybody running around in the hate speech, running around. Deux gars sur scène, franchement, ça donne pas mal, c'est les Sleaford Mods. Mais quand une petite pétillante australienne, Amy Taylor, les rejoint, ça donne Nudge It. On aurait pu s'arrêter là pour les deux copains des Sleaford Mods, ouais, mais voilà, en traînant sur la toile, j'ai trouvé le West End Girl de Pet Shop Boys, ouais, repris par les Sleaford Mods. Et là, forcément, j'ai craqué. Yeah. Yeah. Yeah. sometime. You're better off dead. There's a gun in your hand. He's pointing at your head. You think you're mad. Too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police. There's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town. A dead end world. The East End boys with West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End girls. Yeah. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? I said, how much have you got? Have you got it, do you get it? If so, how often? Wish you choose a hard or soft option. How much do you need? Yeah, well, how much do you need? To the West End town, a dead end world. To East End boys with West End girls. In a West End town, a dead end world. To East End boys with West End girls. West End girls. Yeah. West End girls. Yeah. '23 aurait pu être l'année pour moi du Black Box Revolution, les rockers belges. Oui, mais voilà, depuis, j'ai découvert le duo rock français de Clinic Rodeo. We'll be right back. rentrée locale RVR estampille album de l'année 2023, l'album Les Nuits par Clinique Rodéo. Oh oh, bravo la voix off. Kiss for love, for low body dead on me, full of noise and ghost. She woke to the dust and snake, cries over her fate. On the top of the hills, on the top of the lake, she's a gal named Down and Run. Everyone, even the dead, dark circles on her face, she's not going at all. She takes her secret shoes and sprays her blue wall paint. On the top of the hills, on the top of the hate, she's a girl we can run. Du rock, du classique, du qu'on connaît. Bah écoute, pourquoi pas, ça te dirait que je t'envoie un petit haul? Ok, balance. Yeah, they really Someday you will look like I ache. Someday you will look like I ache. Someday you will look like I ache. Hall, Idols et pourquoi pas Kasabian. Pop and Rock sur la très locale RVR, vous le savez si vous nous écoutez de temps en temps. Il rêve le gars. Ouais, je sais, ça fait pas de mal en tout cas pour le moral. En tout cas, je disais, si vous nous écoutez de temps en temps, on aime vous désorienter, on aime ouvrir vos cervelles. Pop and Rock, c'est bien évidemment Kasabian, mais c'est aussi les vieux, les anciens de Kayak que nous passions il y a bien longtemps. Feedback, comme dirait le Bernard Lenoir. Mais en attendant, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bon vent à tous.